chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multi-concessionnaire. On va parler avec Wallet du site internet leblitznfl.com. On, évidemment, comment on fait, on parle de la NCAA. C'est demain, ça a commencé hier soir avec une autre semaine dans la NCAA, mais ça va se poursuivre demain. On en parle avec Wallet. Salut Wallet. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, avant de parler de ce qui s'est passé, qui va se passer en fin de semaine, les matchs, la grosse nouvelle cette semaine, c'est Nick Bosa, qui était considéré comme un très, très gros prospect. Lui, s'est blessé le 16 au mois de septembre, a quitté Ohio State pour maintenant retourner chez lui et être prêt pour le repêchage. Question, est-ce que ça peut lui nuire? Moi, je pense que ça ne devrait pas lui nuire. On parle quand même d'une blessure significative là, au bas du corps, là, à l'abdomen, coin de l'abdomen. Moi, je pense qu'une des raisons majeures pourquoi justement qu'il décide de quitter puis de pas mettre les chances de se blesser puis justement rendre les chances de se retrouver loin au repêchage, c'est parce qu'il sait qu'il en a fait assez lors de son séjour avec Ohio State pour être classé parmi les 3 ou 4, 5 meilleurs joueurs du prochain repêchage. Personnellement, moi, je le classe premier en ce moment. Je pense que si c'est un joueur là, qu'on classait fin de première ronde, début de deuxième ronde, on l'aurait peut-être vu revenir. Mais étant donné qu'en ce moment, beaucoup de gens le placent dans le top 5 des meilleurs joueurs disponibles pour le prochain repêchage, je pense qu'il sait que s'il reste en santé, qu'il s'entraîne fort puis qu'il continue sa belle éthique de travail là, des dernières années, ça ne devrait pas être un problème pour lui d'être repêché très haut au prochain repêchage. OK. Donc, évidemment, ce qui est... Par contre, ça dépend du combine. Hein? Les combines sont très importants, là, qui ont lieu 3 semaines après le repêchage. Oui. Je te dirais que le combine, là, c'est... Il y a différentes opinions. Moi, je suis pas vraiment un fan du combine dans le sens que... Un joueur peut courir le 40 verges en 3 secondes et 95, battre le record en bout de ligne. S'il a eu une carrière collégiale ordinaire, puis qu'il n'a jamais vraiment explosé au courant de sa carrière, je pense pas que ce soit des mises en situation dans un entraînement qui fassent en sorte que tu aies un bon joueur. Je prends l'exemple de Kevin White, qui avait été repêché par les Bears de Chicago il y a de ça 2 ou 3 ans. C'est un receveur de passe qui avait été repêché dans le top 10, puis aujourd'hui, on ne parle plus de lui. La raison pour laquelle il a été repêché aussi haut, c'est à cause qu'il avait connu un bon combine. Donc, naturellement, il y a du positif au combine, mais on peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Puis je pense que dans le cas de Bosa, il sait qu'avec la carrière qu'il a connue à Ohio State, il peut avoir un combine normal, puis encore être un des meilleurs espoirs au prochain repêchage. Mais par contre, tu en as vu, par contre, dans le passé, des joueurs qui étaient au combine, qui ont pas figuré du tout, puis que finalement, ils ont perdu beaucoup de rang parce qu'ils ont mal figuré ces combines-là. Ça dépend. Il y a divers points de vue là-dessus. C'est Najman Théo, je pense, que le joueur de Notre-Dame, qui avait fait des matrices pendant sur ce... Il y avait une histoire un peu louche, mais par contre, il avait mal figuré aussi au combine. Ouais, c'est pas rare de voir aussi des joueurs qui ont des combines un peu plus difficiles. Je te dirais que ce que je retiens surtout là, des combines, en ce qui me concerne, c'est surtout au niveau de la position, tout ce qui est la ligne offensive, la ligne défensive. Des fois, tu vois des gars qui débarquent là, puis qu'ils ont pris 30 livres de gras depuis la fin de leur passage au collégial, sont pas en forme, sont pas en mesure de bien performer. Là, j'aurais des inquiétudes. Mais quelqu'un qui est un peu lent sur le 40 verges, ou personnellement, je mets pas beaucoup de poids sur le combine, mais encore là, il y a des équipes qui, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des joueurs avec une bonne éthique de travail, puis que un gars, exemple, qu'on voit sortir, exemple, en début de deuxième ronde, qui se présente au combine avec des temps records puis des numéros incroyables, ben, peut augmenter là, sa valeur sur le marché du repêchage. OK. Au cours de la dernière semaine, as-tu vu le match entre qui s'opposait Washington et Oregon? Quel match de football, hein? Quel match de football! Oui, j'ai écouté le résumé de ce match-là, puis c'était assez impressionnant à voir. Puis je pense qu'on s'en parlait la semaine dernière, là, puis on disait que ça serait probablement le plus gros test de Justin Herbert s'il veut être repêché premier corps arrière au prochain repêchage. Puis je pense que sans avoir eu un match exceptionnel, il a bien contrôlé le match, il n'a pas fait d'erreur qui ne coûté rien à son équipe contre une défensive qu'on qualifie quasiment de calibre NFL. Donc, gros match pour Oregon. C'est une grosse défaite pour Washington. Là. Je pense qu'à 5-2, ça prendrait un miracle pour voir Washington en éliminatoire. Du côté d'Oregon, ils sont toujours dans la course. Puis, il y a un autre gros match cette semaine sur la route contre Washington State. Donc, la fin du mois d'octobre pour Oregon pourrait bien les placer en fin de saison là, pour les éliminatoires. OK. Je regardais ses statistiques. C'est semblable à Marcus Mariota. Hein? Puis, au niveau statistique, là, Mariota qui est allé à l'Université d'Oregon aussi, qui tarde à devenir le carrière d'impact qu'on pensait. C'est quand même... Effectivement. Donc, il y a pas mal des statistiques semblables. En fin de semaine, quatre matchs qui opposent des équipes du top 25. Je dirais que le meilleur match, c'est North Carolina contre Clemson. Et aussi, moi je l'aime ce match-là parce que c'est toujours une vieille rivalité. Michigan-Michigan State, ça se présentait à midi sur Fox. Moi, je pense qu'on est vraiment choyé là, cette semaine. Là, quand on regarde l'horaire à toutes les cases de l'horaire, on commence tôt à midi avec un match sur Fox entre Michigan-Michigan State. Pour ceux qui connaissent plus ou moins la NCAA, les rivalités sont toujours extrêmement importantes. Puis pour Michigan, Michigan State, c'est pas leur plus grosse rivalité. Ohio State restera toujours leur plus grosse rivalité. Mais pour Michigan State, c'est comme le petit frère qui veut tout le temps aller battre son grand frère. Pour les Spartans de Michigan State, ce match-là, c'est un peu leur Super Bowl. Eux, ils veulent gagner ce match-là. Ils veulent mettre des bâtons dans les roues à Michigan. Puis je pense que Michigan se doivent d'arriver préparé pour ce match-là parce que ça ne sera pas facile d'aller gagner à East Lansing en fin de semaine. OK. Clemson qui reçoit, qui sont troisième, je pense, c'est contre Mississippi, c'est ça? Non, Clemson, on joue contre NC State. NC State, oui. Le Wolfpack, qui est une des rares équipes qui est toujours invaincue dans la NCAA. Ils ont perdu un gros morceau au dernier repêchage quand Chubb s'est fait repêcher par les Broncos de Denver. Ceci étant dit, la défensive est encore solide. Leur offensive est tout feu, tout flamme là, avec leur corps arrière, Rylan Finley. Le jeune homme de quatrième année a déjà lancé pour plus de 1600 verges pour 10 touchés. C'est une belle surprise en 2018 de voir NC State aussi performant. Je pense que ça va être un gros test sur la route. Puis ça va être le premier gros test, je pense, pour la défensive de Clemson que... On s'attendait à une grosse saison 2. L'équipe est parfaite jusqu'à maintenant, mais on peut les voir contre une grosse offensive. Puis je pense que ça va être finalement cette semaine là, qu'on va voir les gros canons là, de Dexter Lawrence, Christian Watkins, puis Clelin Ferrell, qui représentent le noyau de cette défensive-là. J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Puis je pense que Clemson devrait bien s'en sortir là, avec leur corps arrière recrue, Trevor Lawrence. OK, donc ce match est très... 15h30 présenté sur. J'ai marqué ESPN ici, c'est peut-être ABC aussi, c'est peut-être. Non, c'est bien et bien ESPN, parce que moi, qu'on va l'avoir à TSN. Donc, les gens, j'invite peut-être à visionner. Par la suite, il y a un match également à 19h, et ça, c'est un match également qui sera vu sur ESPN. Donc, Mississippi State contre LSU, la 22e équipe contre la 5e. Oui, puis LSU qui ont eu tout. Tu parlais tantôt du match entre Washington et Oregon. LSU qui sont sortis en feu la semaine dernière contre Georgia, qui ont montré que c'était une équipe à prendre au sérieux. Je pense que Mississippi State, avec leur carrière Nick Fitzpatrick, connaissent un bon début de saison. C'est une équipe qui frappe fort en défensive. C'est une équipe qui n'a pas peur de jouer du bon vieux football là, avec du jeu au sol puis une défensive qui fait mal à l'adversaire. C'est la même chose pour LSU. La défensive est excellente. Il compte sur un bon carrière en Joe Burrow. Je pense que ça devrait être un des bons duels de la fin de semaine. Puis, si LSU pouvait sortir une autre grosse performance, puis une victoire dominante contre Mississippi State, on va vraiment prendre au sérieux les Tigers d'ici la fin de la saison. Et le match, tu en as parlé, gros match encore en fin de semaine sur la route. Oregon, qui figure très bien dans le Pac-12, qui affronte la formation de Washington State. Ouais, puis pour ceux qui sont des fans de college football ou pour ceux qui ont rien à faire samedi matin, je vous conseille d'écouter le College Game Day sur TSN2. Là, ça commence à 9h. Ça couvre tout ce qui va se passer durant la journée. C'est une émission qui vaut la peine d'être vue. Puis, puis pour la première fois, ils s'en vont à Pullman sur le campus de l'Université de Washington State. Personnellement, j'ai visité ce campus-là deux fois, puis l'atmosphère dans un petit stade de 40 000 personnes, c'est assez impressionnant. La ville vibre avec leur équipe. Ça sera pas un match facile. Moi, je m'attends à un match explosif en offensive à haut pointage. Oregon ont toujours des difficultés contre Washington State pour une raison que j'ignore, parce qu'Oregon, ils ont une très bonne offensive et cette année, une très bonne défensive. Je pense que Washington State devrait être en mesure de les surprendre. Ça devrait être un excellent match sur Fox à 7h30. Effectivement. Washington State, pour les gens qui se posent des questions, c'est en banlieue de Seattle, hein? C'est ça? Non, c'est vraiment au milieu de l'État. Là. C'est collé sur l'Idaho. Je te dirais que c'est environ à 4 heures de Seattle. L'Université de Washington est à Seattle. Donc, ouais. Washington State, c'est vraiment au milieu de nulle part. C'est comme une communauté de blue collar, des fermiers, puis du monde qui sont fiers de leur équipe, puis fiers d'où est-ce qu'ils viennent. OK. Donc, Wallet, on se reparle vendredi prochain? Excellent. Voilà, donc, on invite les gens à suivre Wallet sur NFL Blitz, le Blitz NFL sur le site Internet.